All those Home. With homeless.

sample again if you allow me. No, I'll let you. Merci. I'm not the one who's always right. Thank you. Eh bien d'accord, ben, je me barre ou je fais quoi? Il s'est barré, non, ouais. Ben j'en sais rien moi. J'allais faire que de piano. Mais en fait, il faudrait que je fasse autre chose.